Stephen King aime les Ghostbusters, Stephen King aime la maison Winchester, Stephen King a scénarisé Rose Red et Craig Baxley l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au Vidéoclub de Castle Rock. Je suis avec Chris, bonjour. Bonjour, très bien, très bien. Comme tu me le faisais remarquer de manière amusante, on enregistre à nouveau en distanciel suite à différentes circonstances, ce qui était déjà le cas quand on avait enregistré le journal d'Hélène Rimbauer. Et oui. Donc qui est le préquel de Rose Red dont on va parler aujourd'hui. C'est ça, c'est vraiment un hasard très rigolo finalement. Ouais. À l'époque, c'était pour le Covid, oui. C'était des raisons un peu plus contraignantes tout de même. Oui, clairement, oui. Mais oui, c'est assez amusant. Ça doit être la malédiction d'Hélène Rimbauer. C'est ça, la malédiction de Rose Red. C'est la maison qui influe sur nos enregistrements. Ouais, c'est ça. On n'a pas envie de se réunir ensemble pour être dans une même maison à cause de ce qu'on vient de voir, ça doit être ça. C'est ça. Donc, pour les actualités rapides, il n'y en a pas eu beaucoup, mis à part qu'il y a eu l'annonce que Holly allait être adaptée en série télé. Donc Holly, le dernier roman sorti avec Holly Gibney à nouveau. Oui, donc personnage qui vient de la saga Bill Hodge. Ouais, c'est ça. Sans qu'on sache comment ça va se passer au niveau du casting, parce qu'il y a déjà deux actrices en réalité qui ont interprété Holly. Il y a celle de l'adaptation justement de la trilogie Bill Hodge et il y a celle de l'adaptation de l'Outsider. L'Outsider, oui. Et comme il y a aussi d'autres adaptations, notamment de If It Bleeds, qui sont prévues, si ça se trouve, on va se retrouver en même temps avec 46 actrices qui peuvent interpréter le personnage d'Holly. Ah oui, parce que la singularité, c'est que chacune de ces séries appartient à une chaîne différente, en fait. Mr. Mercedes, c'est AMC, et L'Outsider, c'est HBO, et du coup, Holly, je sais pas sur quelle série ça sera, chaîne ça sera. A priori, ce sera le même producteur que Monsieur Mercedes, donc peut-être qu'on reverra revenir cette Holly-là. Mais en même temps, celle qui a joué dans une adaptation où le personnage est au centre, c'est plutôt l'autre. Oui. Donc ce serait peut-être un peu plus logique de reprendre l'autre en réalité, celle de l'Outsider. Mm-hmm. Ou une nouvelle. Après, changer d'actrice à chaque fois, pourquoi pas. Hein. Oui, bah après, du moment que le casting est bon, au final. Oui, voilà. On les a pas encore regardés. Enfin, j'avais vu un peu Monsieur Mercedes et dans mon souvenir, elle était bien, la Holly oui. Dedans, mais je l'avais pas beaucoup vue. Mais sinon, on n'a pas encore regardé ces adaptations. Tant que l'actrice est bien, moi, au contraire, je suis pour la diversité du casting. Oui, voilà, clairement. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On se lance dans Rose Red? Eh ben, allons-y. De toute façon, on n'a pas d'écrit à aborder pour cet épisode, donc... Bah, allons-y direct dans ce cas-là. Go. Imagination of Stephen King comes a disturbing new epic tale. There are rumors that you're planning a scientific investigation of Rose Red this summer, a sort of psychic field trip. Is that true? For Professor Joyce Reardon. My goal is modest. A single twitch. It's time to stop the silliness. The truth is out there. When I come back from Rose Red with proof, you... It's sleaze. It's a spit in the eye of rational thought. Now, she has assembled a team of gifted psychics. If some houses are born bad... Annie, what is it? I insist you stay a little longer. This one... We shouldn't be here! It's feeding off us. ...was created... It's stuck again. She means to have her proof, even if someone has to die for her to get it. In hell... Stephen King's Rose Red. Rose Red nous raconte l'histoire d'un groupe mené par la professeure Joyce Reardon, qui est une professeure de psychologie en université, mais qui enquête beaucoup sur le paranormal, et qui désire prouver que ses recherches méritent d'être menées, et pour ça, elle amène tout un groupe de gens avec des pouvoirs psychiques dans la maison, enfin à Rose Red, la maison de la famille Rimbauer, parce que c'est une maison qui a été longtemps connue pour être maudite, mais qui apparemment est dans un état dormant, et elle se dit en ramenant des gens qui ont des pouvoirs psychiques, ça va servir à réveiller la maison. Donc tout ce groupe y va, avec notamment une jeune adolescente autiste qui a des pouvoirs très très forts. Et effectivement, il va vite se passer des phénomènes étranges dans la maison, tandis que des invités imprévus s'invitent. Donc au départ, Rose Red, ça part d'un projet que King avait présenté à Steven Spielberg en 1996, sur demande de ce dernier qui envisageait parmi 50 projets, parce que Spielberg à l'époque il travaillait sur plein de projets à la fois, qui envisageait de faire un film de maison hantée vraiment orienté horrifique. D'accord. Donc il demande à King d'écrire un scénario, et le scénario de King va être une adaptation de Maison hantée de Shirley Jackson, un roman et une romancière en général qui l'ont beaucoup influencé. Celle qui a véritablement même limite donné ses lettres de noblesse au genre Maison hantée. Oui, clairement. Le roman, donc Maison hantée, on connaît peut-être pas tellement le roman, nous. C'est peut-être surtout son adaptation, La Maison du Diable de Robert Wise. Oui, exactement. Qui est bien réputé chez nous. Le roman, moi, je ne l'ai jamais lu, effectivement. Ça fait partie des romans que vraiment j'ai envie de découvrir un jour, mais voilà. Ouais, il faut que je le découvre aussi. Au final, ma vraie première référence de roman horrifique avec le thème de la maison hantée, ça va plutôt être moi du côté de Richard Matheson, un autre auteur que j'aime beaucoup, avec La Maison des Damnés. Que je n'ai pas lu La Maison des Damnés de Richard Matheson. Ouais, c'est très très très bien, comme toute l'œuvre de Matheson, j'ai envie de te dire, c'est un auteur moi que j'aime beaucoup. Mais La Maison des Damnés, oui, c'est vraiment terrorisant. Après, sans être un roman, est-ce que la chute de la maison Usher n'est pas aussi une histoire de maison hantée ? Ah bah si, totalement, oui, clairement. Un genre très intéressant de manière générale, et c'est bien de voir King s'y frotter. Mais Spielberg, encore une fois, il travaille sur plein de trucs. En plus, il y a un désaccord apparemment à l'amiable, ils ne se sont pas disputés, mais Spielberg voulait plutôt accentuer le côté action-aventure, tandis que King voulait mettre en avant l'aspect horreur. Et c'est vrai que Spielberg n'a jamais fait de pur film d'horreur. Non, jamais, effectivement. Sauf si on lui attribue Poltergeist. Ça pourrait être intéressant, au final, mais... Oui. Oui, je pense que ce serait un genre où je serais curieux de le voir, en tout cas. Donc, ils mettent le projet de côté, et quelques années plus tard, King va se dire que c'est quand même bête de perdre ça, il va le modifier et le présenter à ABC, avec qui il avait déjà eu plusieurs collaborations à succès. Il y avait déjà eu évidemment ça, il y avait déjà eu La Tempête du Siècle aussi déjà de Craig Baxley, oui. Et dans les adaptations, il y avait eu Les Tommyknockers et Shining. Les deux que nous n'avons pas encore faites en mini-série. Effectivement, et nous avons très très hâte, n'est-ce pas ? Très très hâte. Donc à ce stade-là, c'est plus vraiment une adaptation de Maison hantée, c'est déjà devenu Rose Red, mais il y a quand même des similitudes très fortes. Parce que l'intrigue de Maison hantée, c'est un chercheur qui invite des personnes au pouvoir psy à Hill House. Il y a aussi l'adaptation donc Haunting of Hill House de notre cher ami, Mike Flanagan. Oui. Donc c'est un chercheur qui invite des gens au pouvoir psychique à Hill House pour déclencher les pouvoirs de la maison pour prouver que les phénomènes paranormaux existent. Et dans le groupe, il y a une personne avec une relation difficile à sa mère et l'héritier du manoir. Donc des détails qu'on retrouvera dans Rose Red. Et on retrouve aussi l'idée d'une tour dans laquelle des événements assez importants ont lieu et la maison commence à posséder une personne du groupe. Et il y a aussi une scène de pluie de pierre, visiblement, dans le roman. D'accord. Donc on sent l'origine, quand même, oui. dans le produit fini. Il le présente d'abord à Mick Garris, son projet, mais ce dernier refuse. J'ai pas trouvé de détails sur les raisons de son refus, mais il se sent pas de travailler sur un truc de maison hantée, peut-être. D'où le fait que finalement ça va aller à Craig Baxley, avec qui il avait déjà travaillé sur La Tempête du Siècle. Oui. Et on retrouve aussi le producteur Mark Carliner, qui était aussi celui de Shining et de La Tempête du Siècle. Sauf que le moment où King présente ça, c'est début 99, et que donc, en fait, quelques semaines après, il a son fameux accident. Qui va pas mal décaler la prod, et apparemment, plus qu'un roman, en fait, les trucs sur lesquels il travaille beaucoup après son accident, c'est à la fois écriture et Rose Red, avant de se relancer vraiment dans un roman qui sera Dreamcatcher. Super. N'est-ce pas ? Au début, c'était envisagé encore comme un film, et il y a le choix du format série qui se fait en course, qui arrange King parce que ça lui permet de plus développer les choses. Donc ce sera 3 créneaux de 2 heures, ce qui veut dire 3 fois à peu près 1h20 de film effectif. Oui, c'est ça, parce qu'après, il faut compter les pubs, c'est comme ça que les Américains procèdent. Voilà, donc pour un total qui est un tout petit peu au-dessus de 4 heures. C'est ça. Une partie va être filmée à Seattle, surtout les scènes d'extérieur du premier épisode. Au départ, ça devait se passer à Los Angeles, mais il y a des changements pour des raisons de pratique, de tournage. La façade de la maison, elle est à Thornwood Castle, c'est celle de Thornwood Castle à Washington, pardon, qui sert aussi pour certains intérieurs. Il y a plusieurs pièces qui sont rénovées à cet effet, mais il y a aussi beaucoup de décors de studio sur un décor total en studio de 19 000 m², ce qui est plutôt énorme pour une série de cette époque. Effectivement, oui, c'est balèze. King voulait qu'avant que ça devienne bizarre, la maison puisse avoir l'air accueillante à certains moments pour mieux piéger les gens. Mmh. Donc on reparlera dans nos avis du travail de décoration, qui effectivement dans un truc de maison hantée est essentiel. Oui, clairement. Au casting, il y a un peu de monde parce que forcément c'est tout un groupe et comme c'est une mini-série et que c'est typiquement dans le genre de choses où King aime bien mettre tous les personnages grosso modo au même niveau, ça fait du monde. Dans le rôle de la professeure Joyce Reardon, on a Nancy Travis. J'apprends qu'elle a joué dans le remake américain de Trois hommes et un couffin. Du coup, c'est ce qui m'a appris qu'il y avait un remake américain de Trois hommes et un couffin. Oui, oui, qui a une très très mauvaise réputation. Je n'ai pas vu, hein, oui. Mais voilà. Je connais sa réputation et ça ne me donne pas du tout envie. En vrai, Trois hommes et un couffin. Bah déjà de base, c'est pas... Aujourd'hui, voilà. C'est déjà pas si ouf que ça. Voilà, déjà de base, c'est pas extraordinaire. Mais alors, imagine-toi... remaker. ouais, j'ai pas envie d'imaginer, je crois. Voilà. Pour le coup, elle, on la reverra parce que dans Mr. Mercedes, elle joue l'ancienne femme de Bill Hodge, Donna Hodge. Mm. Donc on la reverra. Et c'est aussi une des actrices principales de la série C'est moi le chef. Voilà, je sais pas ce que c'est comme série. Bah, moi non plus, je ne connais pas du tout, mais je veux bien la voir. Voilà, on vous donne ça. On vous donne cette info, vous en faites ce que vous voulez. L'acteur qui joue Steven Rinbower, c'est Matt Kislar, c'est une victime de Ghostface dans Scream 3, c'est un des premiers à mourir, il joue un acteur sur le tournage du film. Mmh. Stab. Il joue dans les... Oui, le tournage de Stab, du coup, oui. Il joue dans l'épisode de John Landis de la saison 2 de Master of Horrors, que je n'ai pas vu comme épisode, je crois. Attends, c'est quel épisode, celui de John Landis? Je ne me souviens plus. C'est La Belle et la Bête, le nom de l'épisode, apparemment. C'est de la saison 1, du coup. Non, saison 2. Ah, saison 2. Alors, du coup, je ne m'en souviens plus. Pourtant, Mais je vois des trucs qui l'indiquent en saison 1 aussi. Ah, parce que du coup, la saison 1, je ne l'ai pas entièrement vu. J'ai vu quelques épisodes par-ci, par-là, seulement. Là, effectivement, ça me dit 7e épisode de la saison 1, donc peut-être que c'est la saison 1, en réalité. Bon. En tout cas, il a joué dedans. Et il est aussi dans un film appelé Mr. Magoo, un film américain avec Leslie Nielsen, mais réalisé par Stanley Tong, donc le réalisateur de Police Story 3 et 4, de Supercop 2, avec Michelle Yeoh, qui est vraiment sympa pour le coup. Ouais. De Jackie Chan dans le Bronx, et de China Strike Force avec Coolio, qui est pas très bien. D'accord, ça je ne connais pas du tout. Contre, et The Miss avec Jackie Chan qui est pas bien non plus. Par contre, Rumble in the Bronx, donc Jackie Chan dans le Bronx, grosse tuerie. Ah, il est trop cool. Mais Police Story 3, je l'aime beaucoup aussi, moi. Police Story 3, c'est Supercop du coup chez nous. Ouais, c'est ça. C'est là où apparaît le personnage qui revient dans Supercop 2. Oui, le personnage de Michelle Yeoh du coup. Ouais, c'est ça. Mm. Il a une super scène d'action avec un train, notamment Police Story 3, je trouve. Alors, je sais plus. Si c'est celui-là que j'ai vu ou si c'est Supercop 2 que j'ai vu. Je ne sais plus. Supercop 2, je suis sûr que tu l'as vu parce qu'on en avait parlé. Du coup, je sais pas si t'as vu aussi Police Story 3. Ah non, j'ai pas dû voir Police Story 3. Supercop 2, c'est celui où Jackie Chan a une scène où il est en infiltration, il est travesti. Oui, c'est ça, voilà. La scène qui est drôle, mais qui est totalement en décalage de ton avec le reste du film. Oui, clairement. Sinon, donc, l'acteur Matt Kislar, il a joué Jekyll dans un film de 2007 qui a quand même 3,6 étoiles sur IMDb, c'est pas de la merde. Et le rôle-titre dans la série The Middleman, adapté d'un comics que je ne connais pas, mais je me suis dit que ça, tu connaissais peut-être. Pas du tout. Et sinon, alors oui, quand je lisais sa fiche Wikipédia, j'ai cru en scrollant rapidement qu'il avait joué dans un film qui s'appelait The Inside of My Father. Voilà. Et en fait, c'était un titre qui me donnait très envie, mais en fait, j'avais lu deux lignes en même temps. C'est un film qui s'appelle The Inside et un autre film qui s'appelle In Memory of My Father. Ça m'intéresse nettement moins tout de suite. Inside In My Father ou l'histoire d'une coloscopie. Ouais, c'est ça. Tu sais, une nouvelle version de l'aventure intérieure. Rachel Wheaton, donc, qui est la sœur aînée de la jeune personnage autiste. Oui. Elle est jouée par Melanie Lindsay, qui est une actrice néo-zélandaise et qui a, en début de carrière, eu un des rôles principaux dans Créatures célestes de Peter Jackson. Oui, d'accord. Beaucoup. Effectivement. Oui, très bon, très très bon film, Créatures célestes. Ouais, je crois que c'est un de mes Peter Jackson préférés, en fait. Moi. Mm. Je le trouve vraiment très beau, ce film-là. Elle joue également dans Detroit Rock City, auquel Some Stunner Stuff avait consacré un épisode. Et dans un film qui a l'air cool, ça s'appelle But I'm a Cheerleader. Alors, qui a l'air cool, c'est une comédie, mais sur un sujet un peu grave, qui parle en fait des camps de redressement pour, en l'occurrence pour lesbiennes, avec des parents qui envoient leur fille dans un de ces camps-là pour, en croyant qu'elle est lesbienne. Pour qu'elle se fasse redresser, ouais. Entre guillemets. Et apparemment, le film est vraiment bien. Donc, ça me donne envie parce que le sujet est pour le coup passionnant. Et le sujet est intéressant. C'est important. Et oui, aussi important, oui, voilà. Parce que les camps de redressement pour ados, là, aux States, c'est tout un délire. Hein. Ah bah oui, c'est de la pure saloperie. C'était Feldup quand on avait fait une vidéo. Je crois que c'est illégal en France encore, heureusement. Oui, clairement. C'était Feldup quand on avait fait une vidéo centrée, oui. Vraiment sur, mmh. Sur les camps, sur ce type de camps, et c'est... Ça donne froid, ouais. Dans le dos. Hein. Ouais, bah allez voir la vidéo, effectivement, que c'est très bien, comme tout ce que fait Feldup. Oui, clairement, oui. Elle est aussi dans un rôle secondaire dans Away We Go de Sam Mendes, dont on a déjà dit du bien, et peu à peu, elle parvient à avoir de plus gros rôles. Elle a le rôle d'une voisine récurrente dans Mon Oncle Charlie. D'accord. Et un des rôles principaux dans la série Yellow Jacket, une série sur une équipe de football féminine dont l'avion s'écrase en montagne, et ça raconte à la fois leur histoire à l'époque du crash... Et 20 ans plus tard, donc c'est des actrices différentes évidemment qui jouent les rôles à chaque fois, oui. Mais du coup pour traiter l'accident et l'après. C'est une série récente, Yellow Jacket. Oui, c'est relativement récent, oui. Et elle a un des rôles principaux dans la première saison de Castle Rock, donc on la reverra aussi. Effectivement. Sa sœur, donc la jeune avec un shining surpuissant, concrètement, Annie Wheaton, elle est jouée par Kimberly G. Brown, actrice dans la quadrilogie de téléfilms Les Sorcières d'Halloween, ça a l'air fou. Waouh. Sinon, dans quelques épisodes d'Hôpital Central et Haine et Passion, alors quand je dis quelques épisodes, c'est elle est au moins dans 10 à 40, mais bon, comme il y a 200 000 épisodes de ces séries-là. Oui, mais c'est quand même pas mal. Et déjà. Elle est aussi dans un rôle important dans Guiding Lights, mais pareil, sur quelques saisons parmi les 150 que compte la série. Oui. Et apparemment, selon sa fiche wiki, elle a une boutique Etsy qui marche bien. On est content pour elle. La précision sur la page wiki, quoi. Incroyable. Ouais. Celle qui... Alors, une du groupe de psychiques, celle qui a le pouvoir d'écriture automatique. Le personnage s'appelle Katie Kramer, donc j'aurais préféré que son pouvoir soit la pyrokinésie, mais ce n'est pas le cas. Elle est jouée par Judith Ivy, qui est très active au théâtre. Même si elle est pas mal aussi présente au cinéma et à la télévision, elle joue par exemple Alice Lomax, la mère du personnage de Keanu Reeves dans L'Associé du Diable. Mmh. Très bon film. Ouais, j'adore ce film, alors que j'entends que des gens en dire du mal, alors que moi j'aime beaucoup beaucoup ce film. Oui, on est d'accord. Très très bon film, L'Associé du Diable. Avec un putain de casting là encore. Bah ouais, et puis même l'intrigue en fait des tonnes, effectivement, mais je trouve ça cool, ça a un côté série B très assumé que j'aime bien, moi. Ah, et puis ça se tient vraiment totalement. Hein. Ouais. Et récemment, elle est aussi dans Woman Talking, un film sur des affaires d'agression sexuelle dans une communauté évangéliste que j'ai très envie de voir aussi depuis un moment, pour le coup. Ok, le sujet est moins cool que La Société du Diable. Ah, le sujet est moins léger, c'est sûr. Emery Waterman, et donc qui est celui qui peut voir le passé et qui est un connard, oui. Est joué par Matt Ross, qui... alors... Et moi j'aurais dit, est sûr joué par Matt Ross, mais bon. Aussi. Alors, il y a peut-être une excuse, c'est que assez tôt dans sa carrière, il a joué dans Les Visiteurs en Amérique. Et je pense que quand tu passes par Jean-Marie Poiret, après tu joues plus jamais de la même façon. Regarde Christian Clavier, il s'en est jamais remis. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, il est dans Les Visiteurs en Amérique. Il a quelques autres rôles dans des séries, les séries Big Love et Silicon Valley, mais il s'est tourné surtout vers la réal, c'est lui le réalisateur de Captain Fantastic avec Viggo Mortensen. Mmh. Ok. Nick Hardaway est joué par Julian Sands, donc lui on sait pas exactement quel est son pouvoir, c'est plus un de ceux qui va tenir le groupe. Oui. C'est un des c'est le rôle principal de la série Warlock. Oui. Il est dans deux films de Marie Lambert, je vais pas noter lesquels, mais c'est un peu rigolo. Il est dans Le Festin nu de Cronenberg, j'adore ce film. Oui. On adore Cronenberg, tout court. Il joue le fantôme de l'opéra dans la version d'Argento, qui est horrible, je pense que c'est un des pires Argento. Tu m'as offert, hein, merci beaucoup. Ah ouais? Ah oui, parce que un jour tu l'avais chopé et tu l'avais déjà, en fait. Ah bah c'est de... Oui, bah de rien, désolé. Tu t'es dit pourquoi avoir ce chef-d'œuvre deux fois, je ne sais pas, autant le donner à quelqu'un. Ah bah clairement, oui, déjà l'avoir une fois, c'est ce que c'est, la question se pose, je trouve. Donc... sinon, il joue le méchant dans Le Médaillon avec Jackie Chan et il est dans Living Las Vegas. Il joue le méchant aussi d'ailleurs, dont on a déjà parlé, de Mike Figgis avec Nicolas Cage. Et il fait une voix dans la série animée de Jackie Chan, qui est une série très sympa dans mon souvenir, même si j'ai pas vu d'épisode depuis que j'ai 12 ans. Oui, c'était une petite série animée sympathique, oui. Et donc, pour répondre à ton interrogation, il a joué pour Marie Lambert dans Siesta et dans Grand Hustle, voilà. D'accord. De films de Marie Lambert que je n'ai pas vu, du coup. Non, moi non plus, bah, de toute façon, de Marie Lambert, j'ai rien vu à part les deux cimetières. Hein. Voilà. Deuxième qu'on abordera bientôt. Oui, c'est ça. Bon, c'est pas du spoil, vu qu'on a déjà pioché la dernière fois. Oui, oui, bah c'est pour ça que je le dis. Ouais. Et il est décédé, effectivement, l'année dernière. On nous le signalait sur Discord. Il est décédé en 2023. Donc, voilà. Moi, je l'aime bien dans ce dans quoi je l'ai vu. Donc, oui. Voilà. Victor Kandinsky est joué par Kevin Teague, un acteur invité dans plusieurs saisons de Lost, lui aussi assez actif au théâtre, en plus de sa carrière télé, qui est surtout constituée d'apparitions par-ci par-là en dehors de Lost. Carl Miller, le professeur d'université, est joué par David Dukes, qui a été actif dans plein de séries avant, et lui, il meurt pendant le tournage de Rose Red. C'est pour ça que, sur la fin, en fait, son personnage passe un peu à la trappe, bah parce que, littéralement, on a dû faire avec des doublures et compagnie et réduire largement son rôle. Il y a pas mal de trucs qui sont donnés à la mère d'Emery, en fait, plutôt, qu'il devait avoir, lui. Patricia Waterman, bah justement, la mère d'Emery, est jouée par Laura Kenny. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Elle est aussi... C'est ça. Elle est aussi dans Cabin Fever, la version de 2016, qui est encore plus nulle que l'original. Et dans 10 bonnes raisons de te larguer, dans un rôle, et sinon dans des rôles très secondaires. Mais c'est sympa, 10 bonnes raisons de te larguer, donc voilà. Hélène Rimbauer n'est pas jouée par la même actrice que dans le journal d'Hélène Rimbauer. Dans le journal, c'est Lisa Brenner, tandis que là, c'est Julia Campbell, qui est une actrice récurrente dans Le Flic de Shanghai avec Sammo Hung. D'accord. Voilà. Et par contre, Sukina, donc la domestique et amie d'Hélène Rimbauer, est jouée par la même actrice, Tsidi Leloka. Donc on a déjà parlé d'elle dans notre épisode sur Rimbauer. Oui. Il y a pas mal de gens, en fait, après, dans l'équipe technique, qu'on a déjà vu au moins une fois, et en fait plusieurs fois, la plupart du temps. Par exemple, Craig Stearns, le production designer, il est déjà sur La Tempête du Siècle, Kingdom Hospital et Hélène Rimbauer. Bon, sur La Tempête du Siècle, c'était moins flagrant, mais on avait déjà signalé la qualité de son travail sur Hélène Rimbauer et Kingdom Hospital. Oui. Dans le casting, t'as oublié de mentionner un mec dont on parle très souvent, quand même. Dont on parle à chaque épisode. C'est le fameux livreur de pizza. Ah, bah oui, oui, le livreur de pizza, effectivement. Son caméo m'a fait hurler de rire. Hein. Je le trouve très très drôle. Donc, pour le caméo de Stephen King, himself. Ouais. Le directeur photo, c'est David Connell, qui était déjà sur Kingdom Hospital et La Tempête du Siècle. Les effets spéciaux sont de Stuart Robertson, qui était déjà sur Carrie 2, La Haine, qui date de la même année d'ailleurs, je crois. Le budget est de 35 millions de dollars, ce qui est vraiment pas mal hein, pour un truc télé à l'époque. Le tournage se fait du 22 août à la mi-décembre 2000. Les fantômes sont surtout des marionnettes électroniques. Oui, ça se voit. Qui ont été faites par le studio XFX, dirigé par Steve Johnson. Donc un studio qui a fait des trucs, un studio et un artiste, qui ont fait des trucs sur Le Fléau, sur Cimetière 2, et qu'on reverra aussi dans Shining, mais ils sont aussi dans plein de bons trucs. Hein. Mais on a déjà parlé un peu quand on avait abordé Le Fléau, dans mon souvenir. Ouais. La post-prod dure 6 mois et la musique est de Gary Chang, donc le compositeur habituel de Craig Bexley, du coup on l'a déjà vu sur La Tempête du siècle, Kingdom Hospital et Helen Rimbauer. Comme sur ces trois projets, il fait un travail que je trouve sympathique mais jamais extraordinaire. Oui, oui, on est d'accord. Il y a une assez grosse campagne de pub qui se fait, qui implique un faux site web de l'université du film, ce qui en 2000 n'est pas si fréquent que ça, parce que le web c'était quand même pas... encore le phénomène que c'est aujourd'hui, en tout cas. Oui, essayer de faire de la promotion virale comme ça, oui, c'était pas courant à l'époque. C'est ça. C'est aussi à cette occasion-là qu'est publié le journal d'Helen Rimbauer, présenté comme n'étant pas une fiction, et en fait qui contient une préface de la professeure Joyce Reardon. C'est vraiment de la promotion à la J.J. Abrams, quoi. C'est rigolo. Oui, c'est ça. Je crois qu'une des références qu'avait King, c'était le projet Blair Witch. Qui était déjà sorti à l'époque et qui avait une promotion un peu de ce style-là. Oui, qui faisait croire que c'était une histoire vraie et qui avait mis des avis de recherche sur les personnages principaux du film dans la ville où ça se déroulait et tout, mais dans la vraie vie. Donc, oui, c'était assez audacieux pour l'époque. Ouais, original surtout, oui. Hein, ça c'était pas beaucoup fait, donc ouais, c'était une bonne idée, et ça tourne bien, parce que ça crée une assez grosse attente pour la série. Et on peut même les trouver en ligne, il y a des faux documentaires télé sur l'histoire de la maison Rimbauer. Mmh. La diffusion se fait les 27, 28 et 29 janvier 2002, donc sur 3 nuits d'affilée. 18,5 millions de spectateurs en moyenne regardent, ce qui fait une part d'audience moyenne de 8,5%, ce qui est pas mal. Ouais, c'est bien, ouais. La réception est mitigée par contre, on reproche à la série son manque d'originalité, sa longueur excessive et des performances pas toujours très bonnes du casting, mais il y a tout de même une partie des critiques qui disent que bon, malgré toutes ces réserves, ça reste efficace. King était peut-être un brin ambitieux puisque dans un des making-of, il dit qu'il voudrait que Rose Red devienne le Moby Dick des histoires de maisons hantées. Oula. C'est peut-être un peu trop ambitieux pour le coup. Ah oui. Et actuellement, la série a 3,4 étoiles sur Allociné, ce qui la place 14e à égalité avec La Tempête du siècle, de Bexley aussi, et 42% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui la place 39e entre Darkseid, Les Contes de la Nuit Noire, et Firestarter, Sous l'Emprise du Feu. Et nous allons pouvoir passer à nos avis. Comme toujours, c'est à toi de commencer. Qui cherche-t-il à joindre ? 40 000 lecteurs dans le genre discret, c'est assez réussi. Vous savez bien que les gens le lisent et que le jour suivant, ils s'en servent de fond de caisse pour leur chat. Ils se souviendront de la photo. Et peut-être que certains s'en serviront même d'argument négatif lors du prochain conseil d'administration et qu'ils demanderont une enquête. Voyez-vous, une photo telle que celle-ci peut réduire à néant des dizaines d'autres projets qui, eux, sont passionnants. Mais en quoi ça vous regarde ? Qu'avez-vous réellement à dire, Carl ? S'il vous plaît, dites-le vite car j'ai une tonne de choses à faire. Quelques boules de cristal à nettoyer, peut-être ? Hein ? C'est vous qui avez mis Bollinger sur le coup. C'est vous, dites-le. Vous lui avez dit où aller, quand et quelle photo il devait prendre. La paranoïa, vous connaissez, Joyce ? J'ai bien peur d'avoir une mauvaise nouvelle pour vous, ma vieille. Je ne suis pas vieille, pas encore, du moins. Et lorsque vous parlez de moi, Carl, évitez les possessifs. Vous allez dire quelque chose ? L'exécutif vient de clore une session sur les titularisations. Quoi ? Pourquoi ? À ce que je sache, personne n'a demandé à être titularisé. Vous êtes vraiment une merde. Merci. Le comité a voté par 5 voix contre 2 la révocation de votre titularisation. Nous avons tout fait pour vous joindre. Laissez des messages sur votre répondeur, rien n'y a fait. Comment se peut-il que les esprits ne vous aient rien dit ? De l'avis général, donc, il était grand temps de mettre un terme à ces niaiseries. Je ferai valoir mes droits à chaque étape du processus. Vous allez vous battre et vous allez perdre. L'époque où vous hantiez notre département de psychologie, madame, petite plaisanterie, n'est pas tout à fait révolue, mais touche à sa fin. Rose Red, mon avis va commencer déjà par le même constat. À chaque fois qu'on aborde un récit qui a pour format la série télé ou les mini-séries, c'était long. Mais c'était long, mais bon, ça va encore. Je suis d'accord avec la majorité des critiques pour dire que c'est efficace, mais je suis d'accord aussi pour dire que le casting est pas forcément top. Notamment du coup le fameux Matt Ross qui surjoue atrocement son personnage. Mais j'ai eu un problème avec le casting uniquement envers lui en fait. Les autres personnages, les autres acteurs, je trouve qu'ils se tiennent bien, globalement. Pour moi, ça aurait peut-être gagné à être réduit à 2 épisodes en fait. et non pas 3. Parce que vraiment, c'est long à se mettre en place. Et à la fin, en fait, ça va trop vite. Les effets spéciaux, quant à eux, bon, tout ce qui est fantôme, donc comme on l'a dit, c'est des marionnettes, eux rendent bien. Et je trouve qu'encore aujourd'hui, ils n'ont pas trop vieilli. Par contre, à tout ce qui est effet numérique, oh mon Dieu, quoi. Ça fait peur. C'est les débuts. Ah, ça C'est les débuts et c'est de la télé, donc ouais. Ça peut faire peur et pas dans le bon sens du terme, quoi. Mais globalement, j'ai pas passé un moment désagréable. Alors c'est peut-être parce que les récits de maisons hantées, bah, j'aime plutôt bien. Et je trouve ça très efficace. Et, le décor est plutôt joli et apporte vraiment quelque chose en termes d'atmosphère, je trouve. Et voilà, pour un avis succinct déjà. Bah, je suis assez d'accord, vraiment, oui, un des gros points forts, c'est la maison en elle-même, je trouve qu'il y a des pièces très chouettes, on pourra revenir plus en détail. Le casting, bah, en même temps, les personnages sont assez, assez clichés, donc ouais. Surtout Emery, justement, et sa mère, donc c'est les deux acteurs qui cabotinent le plus. Oui, forcément, ça, c'est un peu trop, clairement, ils en font trop. Oui, oui, clairement. Mais c'est écrit comme ça aussi, je pense, d'une certaine façon. Donc, c'est pas totalement imputable au casting. Après, oui, il y a des longueurs. Moi, surtout dans le deuxième épisode, je trouve. En fait, le problème du deuxième épisode, c'est que, bah, du coup, ils arrivent à Rose Red. À la fin du premier, ils y arrivent, mais vraiment, l'épisode se termine sur ça. Donc, ils y rentrent totalement dans l'épisode 2. Et en fait, bah, je trouve que les premiers phénomènes paranormaux mettent vraiment beaucoup trop longtemps à arriver, quoi. Oui, après, à la limite, l'arrivée des phénomènes paranormaux, ça passe. Moi, c'est surtout toute la séquence de nuit dans le deuxième épisode que je trouve très longue quand ils sont chacun de leur côté dans leur chambre. Là, je trouve que ça aurait pu être coupé, toute cette partie-là. Ouais. Elle est un peu longue et mécanique. Après, le troisième épisode, effectivement, ça alterne entre des bonnes idées et des choses qui vont trop vite. Même si je trouve qu'il y a des bonnes idées de construction, quand même, au final, dans le troisième. Oui, oui, clairement, oui. Et le premier, je trouve qu'il marche bien, il prend son temps, mais il expose bien toute la maison, d'Hélène Rinbauer, toute l'histoire du personnage, donc ça, c'est assez intéressant. Et même présenter les différents personnages un peu individuellement, ça passe pas mal. Dans mon souvenir, j'ai trouvé qu'il y avait moins de longueur que dans La Tempête du siècle, par exemple. Oui, on est d'accord, et les personnages, si dans un premier abord, peuvent paraître comme étant de simples personnages fonctions, au final, ça s'avère un peu plus profond que ça. Il y a vraiment des personnages où, au final, tu t'attaches un minimum à eux, quoi. Bah oui, et puis, notamment Annie, je trouve que c'est quand même la plus attachante du casting, oui. avec Nick. Parce que le parcours de l'héroïne est plutôt intéressant, finalement, ça devient plus ou moins l'antagoniste sur la fin. Ah oui, clairement, oui. Donc il y a des bonnes surprises, ouais, au global j'ai passé un bon moment devant, on va dire quand même. Oui voilà, on est d'accord. Il y a des bonnes surprises et en termes pas de terreur pure, parce que clairement ça ne fait à aucun moment une éprouve de la terreur ou vraiment de la peur, mais il y a quand même des bonnes petites idées au niveau des apparitions fantomatiques ou des petits moments de tension, il y a des moments bien trouvés. J'aime bien, à partir du moment où ils arrivent, dans le fameux manoir à Rose Red, comment tout est distillé, c'est-à-dire ils arrivent et dès le début, bah tiens, qu'est-ce que ça fout là? Ah tiens, un appareil photo, comment ça? Et tu sais, t'as des petits trucs comme ça éparpillés tout le long de l'épisode avant que les premiers effets n'arrivent, et ça aide à finalement faire monter la tension au fur et à mesure, c'est plutôt bien trouvé. Oui, bah comme si vraiment la maison se réveillait petit à petit. Oui, c'est ça. Et puis oui, on en parlait, le décor en lui-même, la maison est top, quoi. Il y a des pièces, fatalement, la fameuse bibliothèque miroir, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle. Ouais. Elle rend, mais vachement bien, quoi. La bibliothèque miroir. Hein. Avec un sol tellement ciré que c'est un miroir, littéralement. Oui, ça joue de ça dans la manière de la filmer, donc ça c'est une bonne idée. Même la pièce à l'envers, je la trouve bien. Oui. Il y a plein de pièces comme ça qui jouent sur la perspective et qui sont plutôt top. La serre ouais, aussi rend bien. Le très long couloir. La serre est cool aussi, surtout qu'elle sera importante. On y reviendra. C'est un peu ce qui montre les signes vitaux de la maison. Oui. Oui, avec les plantes qui reprennent vie ou pas. Ouais. Alors, pour revenir au début, ça commence sur une scène qui peut rappeler pas mal Carrie, en fait. Oui. Puisque c'est une jeune, enfin une petite fille, elle est vraiment très jeune, qui, donc, on sait tout de suite qu'elle est handicapée, qu'elle est autiste. Elle a été attaquée par le chien des voisins, sans avoir subi de blessures graves. Seulement, elle a été traumatisée par l'événement, et pendant que ses parents se disputent en bas, elle, en faisant un dessin de la maison des voisins, elle va dessiner des grands traits comme des pierres qui tombent dessus, et il y a effectivement la maison des voisins qui va être victime d'une pluie de pierres. Voilà, donc ça nous rappelle effectivement l'une des séquences de Carrie. C'est ça. Même si en réalité, je pense que même si on met la musique à fond, je doute qu'on n'entende pas une pluie de pierres oui. S'il y a juste en face de chez nous. Hein, oui, effectivement. Mais effectivement, sinon on commence donc avec un personnage type récurrent chez King, à savoir l'enfant qui a un handicap ouais. Et des pouvoirs paranormaux, même si elle en a des particulièrement forts, encore une fois, comparé à même à Danny dans Shining. Oui. Finalement, c'est souvent ces personnages à pouvoir féminin qui ont les plus balèzes. Oui, effectivement, parce que c'est aussi le cas de Carrie, de Charlie et de Abra dans Doctor Sleep. Mm. Sinon, après, donc, on va découvrir notre héroïne, à savoir Joyce, qui est un peu dans une situation compliquée parce qu'elle est... harcelée par le directeur de son université qui ne croit pas du tout au paranormal et qui donc veut faire fermer son service, veut qu'elle arrête de dépenser de l'argent pour ça. Et il va notamment comploter avec un étudiant photographe journaliste pour le journal du lycée qui s'appelle Bollinger pour réussir à montrer qu'elle raconte n'importe quoi. Et donc Joyce essaie de réunir sa petite équipe. Et donc là, on va découvrir tous les membres de l'équipe petit à petit. Les Avengers du paranormal, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Donc, si on peut dire un mot sur chacun, un des premiers qu'on voit là dans cette version, c'est Emery. Oui. Donc, tu disais qu'il était cliché, mais est-ce que tu peux détailler un peu plus ce qu'est le personnage ? Clairement un personnage qui subit... La castration de sa mère, c'est comme ça qu'on peut le décrire, hein, je pense, puisque complètement, oui. Sa mère est une mère poule, vraiment, mais omnubilée par lui, mais vraiment, c'est toxique à ce niveau-là. Lui semble vouloir quand même un petit peu s'en échapper, mais en même temps, tu sens qu'il a tellement été... il a tellement subi, finalement, le lavage de cerveau de sa mère que, dans le fond, il n'a pas réellement envie de s'en échapper. Et même l'excursion d'ailleurs à Rose Red, c'est un peu ça finalement, c'est pour lui une espèce d'échappatoire, même si c'est aussi pour essayer de trouver des réponses aux visions qu'il a, parce que comme on l'a dit plus tôt, il a des visions du passé, en général du passé plutôt sanglant des choses, hein, il voit pas des séquences de la vie de tous les jours très happy, le mec. Oui, c'est clair qu'il voit pas ce qui est le plus plaisant. Voilà, il voit pas les meilleurs moments de la vie des gens, quoi. En général, il voit plutôt des visions de mort et tout. Et alors du coup, son niveau apparence, il fait très geek post-année 2000. Tu vois ce que je veux dire? Avec des grosses lunettes, et un style vestimentaire très, très négligé. Pas comment le décrire oui. De plus. Oui, le côté trop de malbouffe aussi. Oui, aussi, oui. En fait, c'est rigolo parce que les mères castratrices, c'est aussi un truc qu'on a régulièrement chez King. Oui. Notamment, c'est très présent, pour le coup, dans Mister Mercedes. Oui. Dans Carrie aussi, hein, qu'on a parlé il y a quelques minutes. Oui, c'est un peu... À la limite, Carrie, c'est encore un peu différent, je trouve. Mais oui, les mères abusives, en tout cas, c'est une figure récurrente de son œuvre. Oui. On y reviendra, c'est peut-être le personnage que j'aime le moins dans le groupe quand même. Enfin, il n'est pas fait là pour qu'on l'aime, mais je trouve que c'est peut-être le moins bien géré aussi à pas mal de niveaux. Bah, disons que dès les premières secondes, tu sens que l'élément perturbateur, c'est lui, quoi. Il n'y a aucun suspense ouais. Autour du personnage. Tu sais très bien que oui, c'est lui qui va vriller et que c'est à cause de lui que la situation ne va cesser d'empirer, en fait. Ouais. Là, qui va pas servir énormément, à part sur la fin, c'est Katie Kramer, ouais. Celle qui a le pouvoir d'écriture automatique. Alors pour le coup, elle est quand même assez utile sur le dernier épisode, mais c'est vrai que pendant les premiers, je me demandais où est-ce qu'elle allait, ce perso. Mais oui, clairement, oui. Le personnage est un peu creux quand même. Gloire. Ouais. Donc c'est celle qui a le pouvoir de l'écriture... Comment ça s'appelle ? Pour communiquer. Alors, c'est appelé écriture automatique, voilà, dans le film, mais ça ne correspond pas à ce qu'est l'écriture automatique en réalité, oui, qui est encore autre chose. Mais elle peut communiquer avec les esprits ou avec des gens via l'écriture. Via l'écriture, en fait. Elle lit leurs pensées, et du coup, leurs pensées se matérialisent via l'écrit qu'elle a, qu'elle en fait. Mm. Nick Hardaway... Lui, pour le coup, on ne sait pas grand-chose de son passé, c'est un des personnages sur lequel on en sait le moins, mais on va pas mal le voir dès le début dans la maison, il va très vite être un peu celui qui va être le ciment du groupe. Mm. Et qui va prendre notamment sous son aile Annie. Oui. À pas mal de moments, donc lui, je trouve que c'est plutôt un bon personnage, même si on n'en sait pas grand-chose, et même s'il est relativement cliché. Oui, c'est le personnage du père de substitution, hein, simplement. Ouais. C'est le père même du groupe, si, c'est le chef. Il a quand même un côté plus cynique, plus brutal, notamment avec Emery. Lui, il va tout de suite détester et pas du tout protéger Emery. Oui, clairement, oui. Et Victor, le plus âgé, il a à peu près le même âge que Katie, j'imagine. On sait tout de suite qu'il a des problèmes de santé. Oui. Qui effectivement vont jouer des tours plus tard dans la série. Oui. Lui aussi, qui je trouve est un personnage plutôt creux, finalement. Ouais, c'est ça, il sert pas à grand chose dans le groupe. Bah. Il a pas de moment d'utilité, vraiment. Et puis tu vas me dire après, bon, il quitte le récit assez rapidement au final, mais bon. Aussi, mais bon, il aurait peut-être fallu lui donner un moment de gloire avant pour qu'on voit son utilité dans le groupe. Donc, ouais, c'est un peu dommage pour lui. Mm. Et donc, on retrouve Annie, 10 ans plus tard, 10 ans après la chute de Pierre dans la maison des voisins, qui, du coup, est dans une situation familiale compliquée parce que sa mère a peur d'elle, et donc lui parle à peine. Son père la déteste. Oui. Même si, en réalité, il a un moment où il est un peu plus protecteur, où on peut comprendre que c'est qu'il a 10 ans d'avoir une fille qui, effectivement, sans le vouloir, mais est une bombe à retardement, il n'en peut plus d'avoir cette fille-là, mais... Globalement, elle est dans une situation familiale catastrophique parce qu'il n'y a que sa sœur Rachel qui la protège tout le temps et qui est tout le temps près d'elle pour l'aider à rester calme et à communiquer. Oui, voilà. Pardon. Et c'est les deux qui hésitent le plus à se rendre à Rose Red parce que la sœur veut pas qu'on expose sa petite sœur. Mais elles vont le faire quand Joyce promet suffisamment d'argent pour placer Annie dans une institution spécialisée de bonne qualité. Et voilà. Où on s'occupera bien d'elle. Ah, et puis du coup... Donc c'est des personnages qui ont des bonnes motivations pour le coup. Et puis la grande sœur, c'est aussi un prétexte d'échapper au nid familial également. Oui, aussi, oui. Et puis du coup, dans le groupe, il reste le descendant Rimbauer, à qui la maison appartient et qui... Comment dire ? Lui sait éperdument que la maison est mystérieuse, mais alors moi c'est comme ça que je le vois, il a quand même un micro doute et cette excursion lui donne un peu le prétexte de vraiment confirmer ce qu'il ressent auprès de la maison, quoi. Bah après, lui, il le dit de toute façon dès le début, son projet c'est de détruire Rose Red. Il l'a décidé dès le premier épisode, un peu après l'expédition. Rose Red va être détruite oui, parce que, quel que soit le résultat. C'est une maison qui a fait disparaître des femmes, c'est une maison qui a poussé des hommes au suicide, donc qui a gâché sa famille, et il veut pas garder ça. Oui, clairement. Toute l'exposition sur Rose Red en elle-même, c'est très intéressant, c'est très bien fait, mais on va peut-être pas s'attarder dessus, vu qu'en fait, c'est des choses qui sont développées dans le journal d'Ellen Rimbauer, donc finalement, si vous voulez savoir quelle est l'histoire de la maison Rose Red, allez réécouter notre podcast sur Ellen Rimbauer. Oui, voilà. Donc tout ça, au final, ça va occuper une bonne partie du premier épisode. Bah quasiment même l'intégralité du premier épisode. Oui. Même si c'est déjà dans le premier épisode qu'on a le journaliste, donc l'étudiant journaliste qui se rend à Rose Red. Oui. Le plan du professeur étant que son élève puisse prendre des photos compromettantes démontrant l'échec de toute l'équipe sur place. Sauf que dès le départ, il va se faire aborder par... il va se faire accueillir par Sukina. C'était plutôt inattendu, ça, pour le coup. Je m'attendais pas à ce que ce soit directement un fantôme qui l'accueille. Oui, ça va très très vite. Comme si finalement, Rose Red elle-même voulait l'empêcher de mettre à mal la future expédition. Oui, c'est ça, parce qu'elle voudrait se nourrir des autres. Voilà. Et c'est aussi là que... Donc lui, il va être tué très vite. Il va être tué dans la serre, pour le coup. Où il va se faire attaquer par une abeille. Oui. Et donc là aussi, ça m'a fait penser à un autre King, puisqu'il y avait déjà... Ça m'a fait penser au guêpe dans Shining, en fait. Oui, oui, exact. Qui était aussi un des premiers signes de l'éveil de l'hôtel. Ça marche bien, parce que comme on l'a dit, la serre, c'est un vraiment beau décor, donc je trouve que toute cette scène, elle marche très bien. Ouais, d'accord. Je te le dis, je te le répète, c'était April Rimbauer. Où est ta preuve, alors? On est trois à l'avoir vue. À minuit, il y restera combien de petits indiens, hein? Pitié, n'essaie pas de me faire croire que ton aïeul de 90 ans est un vampire et qu'elle vit là-haut perché dans la tour. Car en tant que scientifique, ceci est... Ne fais pas exprès d'être si obtuse. C'est Rose Red qui est le vampire. Je parie que tu le sais aussi bien que moi. Obtuse? Oh, je suis étonnée d'entendre un mot si choisi chez un étudiant si poussif. Tu es sûre de ce qu'il veut dire? On dirait que votre méchanceté gagne tout le monde. Je la connais, ta chanson, hein. Te fatigue pas. Dis-moi, gentille grande sœur. Laissez-moi tranquille. Je n'ai pas envie de discuter. Mais moi, j'ai envie de discuter avec toi. Oh, je me demande si tu rêves souvent de la voir morte, liquidée. Allez, dis la vérité. Sois courageux. Mais arrêtez! Vous êtes horrible! Pourquoi vous êtes si méchant, si misérable? Parce que voyez-vous, je me sens misérable, vieille chrétienne hallucinée. Ne vous approchez pas d'elle! S'il la touche, il le regrettera. Ouh, dis donc, qu'il est fort et brave. Il s'attaque à l'handicapé aux quatre doigts tranchés. Qu'elle soit là ou qu'elle soit plus là, qu'est-ce que ça changera, hein? Vous croyez peut-être qu'elle a une conscience? Moi, j'en doute fort. Ça suffit maintenant. Oh, pitié! Je vois pas ce que vous pouvez me faire d'encore plus cruel que les sons et lumières de cette baraque de dégénérés. J'en sais rien. Vous laissez seule dans une chambre au grenier, qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, c'est tout pour le premier épisode. On arrive au deuxième. Le deuxième, j'ai été un peu déçu qu'il commence par une voix off, parce que sinon je trouve que toute l'exploration de la maison vide, avec les mouvements de caméra, oui, des choses qui s'allument, pas joli. Le travelling compensé sur la statue, ça installe bien l'ambiance, mais il aurait peut-être fallu que ce soit juste musical, sans une narration qui finalement est très dispensable. Oui, on est d'accord, et puis qui ajoute vraiment de la lourdeur au récit, quoi. Ça ne sert à rien. Ouais. Ça aurait pu être un bon moment un peu suspendu, un peu inattendu en plus, dans un truc en trois épisodes, de prendre autant de temps pour ça. Ouais, et puis c'est une jolie manière de présenter les lieux, quoi. Ouais, ouais, j'aimais vraiment bien cette idée de mettre l'accent sur l'importance du décor. Et donc là, effectivement, comme on l'a dit, ils vont trouver petit à petit les premiers indices, en trouvant donc en premier le téléphone de Bollinger. Enfin, oui, ils ont déjà trouvé des affaires lui appartenant, mais ils vont tomber sur le téléphone. Et là, pour le coup, j'aime bien le message que Steven Rimbauer laisse à Miller sur le portable. Oui. Ça, c'est un peu rigolo. Et ils ont des bonnes idées, je trouve, parce qu'un des concepts de la maison, c'est qu'elle change ses plans, qu'elle peut créer des pièces, rallonger des pièces, changer l'ordre, et du coup, ils vont s'encorder. Quand ils vont commencer à circuler dans les couloirs dangereux, ça, je trouve que c'est une bonne idée, oui, en réalité. Oui, très très bonne idée, effectivement. Ils y vont pas de manière totalement débile, même si ça va pas marcher. Pour le coup, on peut dire qu'ils avaient pris les précautions qu'il fallait. Oui, clairement. Parce qu'effectivement, ça va pas marcher. Il y a un moment un mur qui va apparaître là où passe la corde, et il va falloir qu'ils utilisent leur pouvoir pour le faire disparaître. Mmh. Donc c'est un échec, mais au moins c'est tenté. Et là, effectivement, on commence à découvrir tous les décors un peu cool. Donc le couloir aux perspectives étranges, l'escalier qui a l'air infini aussi. Mmh. Le couloir est très joli, hein, avec les portes semi-camouflées, là, ça rentre très bien. Ouais, ouais, c'est vraiment la visite de la maison et qui est bien faite, avec effectivement quelques effets qui sont moins convaincants. Oui. Même la petite fille fantôme avec le bras atrophié, je trouve qu'il est qu'à demi réussi. Ouais. Et c'est là qu'on a aussi l'exposition de l'idée qui sera hélas pas assez exploitée de Annie qui a un peu envie de rejoindre les esprits en réalité parce qu'elle trouve des gens avec qui elle peut communiquer au final. C'est un peu comme ça que je l'ai interprété. Oui, clairement, oui. Je pense que c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Ouais. Je trouve que c'était un truc intéressant et qui est peut-être pas assez exploité dans le troisième épisode où au final elle va revenir assez vite du bon côté, du côté des vivants. Mm. C'est dommage pour le coup. Il y a des trucs qui auraient peut-être mérité d'être supprimés pour mettre plus ça en avant. Il y a aussi la maison miniature qui est sympa comme décor et qui aura de l'importance. Oui, exact. Ouais, comme je note, on enchaîne assez vite sur la première nuit dans la maison, après la soirée où il commande des pizzas avec le caméo de King. Oui, et la première nuit dans la maison qui insiste notamment, je trouve, sur Emery. Et comme c'est le personnage auquel on s'attache le moins, au final, je trouve pas que la scène soit passionnante. Avec les personnages qui dansent et tout, bon, c'est un peu... Ouais. C'est un peu pénible, c'est un peu longuet, quoi. Puis ça n'apporte finalement vraiment pas grand-chose. Ouais, il y a juste le segment d'Annie, encore une fois, avec le fantôme qui chante Summer Place, qui fonctionne pas mal, vu que c'est le personnage le plus intéressant, le plus attachant. Mais sinon, ouais. Emery qui essaye éperdument de contacter sa mère, mais qui n'y arrive pas. Ouais. Et qui... C'est là aussi que je trouve qu'on peut légitimement commencer à se méfier de Joyce, qui s'entête beaucoup. On lui avait déjà signalé, Steven Rimbauer était déjà méfiant face à son entêtement pour la maison. Mais c'est là que ça commence à prendre des proportions malsaines qui vont exploser dans le troisième épisode, surtout. Mmh. Je trouve limite même que sa transformation en méchante ultime dans l'épisode 3 est même un petit peu trop brusque. Oui, ça aurait pu être plus progressif. T'as tendance à arriver, paf, comme ça d'un coup, tu fais bah, calme-toi quand même. Alors par contre, Emery, je l'aime pas, mais quand il imite Joyce, justement le matin, je trouve ça rigolo. Ah oui. Et là, vous pouvez voir l'endroit où tout le monde s'est suicidé, sur la droite. Ça, c'est un peu rigolo. Et c'est là aussi donc que la mère va commencer à se mettre en route pour... La mère, Red, parce qu'elle n'arrive pas à avoir son fils au téléphone. La mère, elle déconne zéro. Elle n'arrive pas à avoir son fils au téléphone une seule fois. C'est bon, hop, elle s'habille, elle décolle direct. Ouais. Elle n'est pas là pour rigoler, elle n'a pas de temps à perdre. Je vous en foutrais, je rappellerai ultérieurement. Hein. C'était très drôle, ça aussi. Ouais, ça c'est drôle, ouais. Bah, globalement, de toute façon, c'est quand même une mini-série qui a quand même pas mal de passages un peu rigolos comme ça. Il n'y a vraiment pas une envie... Parce que comme ça que je l'ai ressenti, il n'y a vraiment pas une envie de vouloir faire peur totalement, quoi. C'est quand même très bon enfant, tout ça. Oui, bah ça reste pour du format télé avec les limites de l'époque, donc c'est vrai que King s'en est accommodé et a fait quelque chose, a décidé d'aller directement et volontairement dans quelque chose d'assez léger, plutôt que de devoir censurer des effets violents. Même si certains effets violents sont quand même pas mal réussis. Je pense à Emery, là, quand il perd ses doigts ou ce genre de choses... C'est, j'aime bien aussi le message que Rimbauer laisse à nouveau à Miller, le professeur, pour le faire réagir et qui va faire venir Miller en lui disant que Bollinger s'est suicidé pour le faire sortir du bois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, leur arrivée au manoir, là, aux deux, là, à la mère d'Emery et à Miller, c'est n'importe quoi aussi. Oui. Annie qui va commencer à s'isoler dans la serre pour surveiller la maison, mais nous, on le sait pas exactement. Et c'est là aussi qu'elle commence à installer ses dominos. On sait pas ce qu'elle fait avec. On a l'impression que c'est quelque chose qui pourrait être une sorte de d'action pour se calmer. Oui, voilà, lié à sa condition. Pourrait faire une personne autiste. Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt bien amené parce que ça va resservir, mais du coup je trouve que c'est amené, on se pose pas la question trop de pourquoi elle fait ça, je trouve qu'on se dit automatiquement qu'elle le fait pour se calmer. Ouais, parce que c'est pas montré de manière mystérieuse. Ouais. Et il y a les personnages qui commencent à essayer de la calmer, en fait tous les personnages s'attachent plutôt à elle, à part Emery, et notamment Emery, ouais. Steve et Nick vont pas mal essayer de communiquer avec elle et de la calmer. Il y a des réactions très bienveillantes envers elle, je trouvais ça intéressant. Et il y a la serre qui commence à revenir à la vie. Oui, la végétation reprend un peu ses droits. Ouais. Et c'est mine de rien très joli comme idée un petit peu métaphorique de nous faire comprendre que la maison reprend ses droits et reprend vie via la végétation de la serre. Ouais, je trouve que c'était vraiment bien trouvé ça. Pour faire un parallèle, tu vois, avec l'Amazonie, c'est le poumon de la... C'est le poumon du monde, bah voilà, la serre, là où il y a la végétation, c'est un peu le poumon de la maison, finalement. Mmh. Comme quoi, pour lutter contre la maison, est-ce qu'il suffisait pas d'amener le patron de Total ? Oui, c'est ça. Qui aurait massacré l'écologie de la serre en 5 minutes. Voilà, ou les dirigeants de Monsanto, allez hop. Oui, ou Emmanuel Macron, voilà, qui légitime tout ça. Ouais. Et puis du coup, tu les laisses cramer quand ça prend feu. Et puis t'es content. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça aurait pas été finalement la meilleure fin ? On va faire Rose Red 2, tiens. Voilà. Et effectivement, la fin de l'épisode, encore une fois, est moins passionnante, je trouve, parce que ça va se concentrer sur les personnages secondaires, donc notamment la mort du plus âgé. Oui. Il y en a une qu'on a totalement oubliée, c'est Pam. Oui, exact. Du groupe. On l'a totalement oubliée parce que, pareil, elle sert pas à grand-chose, en vrai. Ouais. Elle disparaît très vite. Elle est assez peu caractérisée, elle aussi, je trouve. Mmh. Elle sert vraiment pas à grand-chose, quoi. Ouais. Donc là, la fin de l'épisode se concentre sur les personnages secondaires, donc c'est là que le plus âgé va mourir. Oui. Sa mort est pas trop mal. Ouais, Victor, oui. Effectivement, sa mort est pas trop mal. La statue qui arrache son visage et qui le remet, c'est très bien. Voilà. Pour le coup, c'est surtout grâce à ça. L'effet, et même l'effet encore aujourd'hui, n'est pas vraiment dégueulasse, hein. Ça va. Oui, je trouve qu'il passe vraiment bien, cet effet-là. Mm. Après, il y a Miller et la mère qui sont égarés par la maison aussi. Voilà, ça, j'ai plus de mal à m'y intéresser parce que c'est des personnages secondaires, quoi. Ah oui, voilà. Et on les a tellement peu vus avant qu'effectivement... Donc ouais, l'épisode 2, c'est globalement le plus faible, je trouve, des 3. C'est ça, parce qu'après arrive l'épisode 3 où là, ça explose dans tous les coins. Ouais, là, pour le coup, l'épisode 3, ça plaisante plus vraiment. Mais tu vois, au global, par contre, et ça, c'est valable pour tous les épisodes, je trouve que il y a un souci. En général, à chaque fois, quand on regarde du King ou une adaptation format téléfilm ou série télé, c'est qu'il y a toujours ce petit ressenti de « Ah, il faut faire un moment où on recrée de l'intérêt pour le spectateur avant la coupure pub pour que le spectateur ne change pas de chaîne. » Et là, il n'y a pas tellement ça dans Rose Red. Je trouve que le récit vraiment suit une continuité et ne prend pas vraiment en compte les coupures pub qu'il y a censé avoir. Pourtant, tu les vois, parce que t'as des fondus en noir. Visuellement, tu les vois. Mais ça ne joue pas sur du suspense tout le temps, quoi. Toutes les 10 à 15 minutes. Il y en a une ou deux, je trouve, qui se voient. Oui, mais je trouve qu'elles sont logiques, celles qui se voient. Elles sont pas, tu ne sens pas une imposition. Ah, là, il y a la pub, il faut créer un truc. Oui, pour le coup, c'est bien, c'est à chaque fois plutôt bien amené, en effet. Donc l'épisode 3, en effet, tout va exploser. Ouais. Et il y a notamment Annie qui va complètement fermer la maison, comme si elle était trop sensible aux appels qu'on lui passait, aux appels à rester ici. C'est là qu'elle va fermer la maison sur les doigts d'Emery. Ouais. Qui du coup va encore plus la détester qu'avant. Bah oui, forcément. Va être encore plus énervé qu'avant. Là, à la limite, on peut comprendre l'agacement, quoi. Oui, bah oui, tu perds tes doigts. Perdre des doigts, c'est pas une expérience très agréable. Voilà, bah disons qu'il pourra toujours faire du stop, hein, vu qu'il lui reste que le pouce, mais... Oui, voilà, c'est ça, mais bon. Il y a aussi clairement Joyce qui, cette fois-ci, effectivement, elle a vrillé un peu rapidement, encourage Annie à céder aux appels de la maison, parce que pour elle, elle en a plus rien à faire que ça mette en danger la vie de la fille, tant que ça prouve qu'elle a raison. Oui, c'est ça. C'est là que ça devient un personnage entièrement négatif, en fait. Mais oui, comme dit précédemment, c'est un peu trop rapide, quoi. C'est amené de manière trop brute. Mais c'est vrai que ça pose la question intéressante. Autant Emery est trop radical, parce qu'il est vraiment détestable, vouloir tuer Annie. Enfin, il est vraiment détestable comme personnage. Mais effectivement, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait d'elle, puisque visiblement, elle est tout de même le catalyseur principal de la maison. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de l'endormir pour réussir à calmer tout ça et à la faire sortir ? Oui. Je trouve que c'est plutôt légitime qu'il ait lieu, ce débat, au final. Oui, clairement. C'est un débat, d'ailleurs, qui est amené par Emery, pour le coup. C'est lui qui le remarque. C'est ça. C'est lui qui fait remarquer, quand elle était endormie, tout était ouvert, et c'est à partir du moment où elle s'est réveillée que, paf, tout est verrouillé. T'as beau être un personnage détestable, bon, il suit quand même ce qui se passe. Oui. Encore une fois, je trouve que les réactions des personnages sont pas totalement idiotes. Il y a une certaine logique. Oui, voilà, clairement. Les personnages ont conscience de ce qui se passe autour d'eux. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les récits... horrifique ou de maison hantée. Dans les bonnes idées, il y a aussi un outil qui a été ramené par Joyce, qui est le truc pour compter le nombre de personnes ou d'entités présentes dans la maison et qui augmente petit à petit au fur et à mesure de la série. Ça, je trouve que c'est une bonne idée pour installer de la tension. Oui, clairement, oui. Là, l'un des soucis avec cet épisode 3, c'est vraiment, comme dit, ça s'accélère, comme dit, il y a de plus en plus d'effets. Et qui dit de plus en plus d'effets, dit de plus en plus d'effets bien dégueulasses. effectivement. Des fois, il y a des jumpscares, mais où du coup, tu te retrouves avec, avec des gueules de rats en gros plan face à l'écran. Et vraiment, ça, pour le coup, ça a très très mal vieilli, quoi. Des effets de caméra, de zoom, de dézoom. Tu fais, oh là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh Dieu, à secours. Alors, c'est pas aussi catastrophique que dans... Oui, c'est pas aussi catastrophique que dans le dernier épisode de Rêve et Cauchemar qu'on a traité, Church End, mais quand même. Qui est pourtant postérieur. Oui, qui est pourtant postérieur, effectivement. En même temps, Church End, c'était vraiment une honte. Oui, c'était vraiment très, très, très, très, très, très laid. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Ouais, ouais. Là, il y a un meilleur budget, tout de même, je pense. Mm. Mais oui, le plus dégueulasse reste les effets 3D. Mm. Tout le passage où Cathy est perdue dans la maison, c'est un peu longué. Ouais. Mais il y a des jolis plans, encore une fois. Vu que le décor est joli, ça suffit à excuser en partie, je trouve. Oui, voilà, c'est ça. Ça manque un peu, je trouve, de travail sur la lumière. Ça aurait pu vraiment en rendre encore mieux. Mais bon, le décor, comme tu le dis, étant suffisamment joli, ça passe. Ouais, quoique la lumière, oui, elle est pas géniale, mais je trouve que par rapport à la moyenne des trucs télé qu'on a vus, elle est plutôt propre quand même. Oui. Ça fait partie des lumières correctes qu'on a pu avoir. Oui, clairement. Et effectivement, quand tout explose, c'est à partir du moment où il y a Emery qui veut vraiment attaquer Annie et qu'il y a les armures qui se réveillent en étant dirigées par Cathy, encore une fois. C'est là qu'elle se réveille vraiment comme perso. T'as aussi, d'ailleurs, l'armure qui prend vie, c'est pas trop mal fait. Oui, bah ça, à mon avis, c'est pas des effets spéciaux. Il doit y avoir moyen de la... Enfin, ça, c'est pas des effets spéciaux numériques, je veux dire. Ça a dû être fait en physique, ça, je pense. Bon, je pense, oui. Soit un mec qui enfile l'armure, soit l'armure animée en stop motion, je ne sais pas, mais... Ou des marionnettes, encore une fois, hein, oui. Peut-être. Vu qu'ils en avaient pour d'autres trucs. Oui, bah pour tous les fantômes squelettiques qu'on voit, ça c'est que de la marionnette animée en stop motion, par contre ça se voit. Ça se voit, mais ça rend vraiment bien, quoi. Oui, bah moi j'aime bien toujours ce genre d'effet. En plus, ça donne vraiment une étrangeté. Oui. Qui est intéressante, bah, qui nous dit bien qu'ils sont un peu d'un autre monde. Oui, clairement. Et le final là qui va commencer... Bah, qu'est-ce qu'on peut en dire? La Joyce vire vraiment folle et va essayer de tuer Annie, pour le coup. Oui, bon, même de tuer limite tout le monde, hein, si elle pouvait. Hein. Oui, mais bon, on va dire que sa première cible, c'est Annie, quoi. Oui. Ah, parce que vu qu'Annie est à deux doigts de faire capoter tous ses plans, forcément. Oui, parce qu'elle a décidé de lutter contre la maison de manière un peu brutale. Encore une fois, comme on l'a dit, elle change d'avis un peu rapidement, je trouve, Annie. Voilà. Mais en effet, elle devient un danger, vu qu'elle menace la maison Rimbauer. C'est ça. Nick et Steve, eux, sur le final, c'est devenu vraiment les deux personnages protecteurs, vraiment défenseurs du petit groupe de survivants. Ouais. Parce que c'est déjà le statut qu'ils étaient en train d'acquérir tout du long. Je trouvais que au début, tu sentais quand même une espèce de rivalité entre les deux personnages, alors que vraiment sur la fin, ils ne forment qu'un tout, en fait. Oui. Oui, ils s'unissent bien, ils se mettent d'accord, en effet. Parce que vraiment, sur le premier épisode, Steve, bon, il est quand même à mi-chemin entre le groupe et Joyce. Parce que quand même, c'est grâce à lui, si elle est là, voilà. Elle lui apporte quelque chose. Oui, et puis il a un rapport un peu ambigu, de toute façon, à toute l'expédition. Vu que il veut pas non plus trop qu'elle ait lieu, parce que lui, il se méfie de la maison. Il y va un peu à reculons, quand même. Oui, clairement, oui. C'est là aussi que le personnage de Emery va switcher un peu brutalement, lui aussi. Ah bah lui, il devient... Même si ça le ramène à c'est un parcours logique, mais il switch beaucoup trop brutalement. Oui, voilà. De Barjo, il devient Evil, et puis après, il re-switch encore. Tu fais, bah, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Parce que là, du coup, il va montrer déjà que ses pouvoirs sont plutôt bons, plutôt forts. Et il va réussir à littéralement tuer la mère. Enfin, il la repousse, mais c'est vraiment la symbolique. Oui. Sa mère qui est de toute façon devenue un des fantômes de Rose Red à ce stade. Oui, voilà, elle qui a déjà cassé sa pipe depuis un moment. Et donc le groupe va réussir à sortir après avoir mis le feu à la maison, mais Joyce décide de rester parce qu'elle est totalement possédée par celle-ci. Voilà. J'aime beaucoup le plan, le dernier plan, ouais, du moment le où plan final. Joyce est emportée par les fantômes, qui est un plan zénithal où la lumière n'est que sur les personnages. Et donc on a vraiment l'impression de les voir avancer sur un fond noir. Je trouve que ça marche bien, ça. Ça fait partie clairement des plans les plus réussis de toute la série. Oui. Et c'est là qu'on comprend ce que faisait aussi Annie avec ses dominos depuis le début. Oui. Et donc du coup, je te laisse répondre, je te laisse expliquer ça. Bah, en fait, c'était juste... Les dominos étaient une espèce de mise en scène de tout ce qui allait arriver par la suite, surtout. Oui. Et donc de tout ce final apocalyptique. C'est ça, bah c'est un peu comme au début avec le dessin, c'est là, ça, avec ça avec des dominos. C'est ça. Sur la version miniature de la maison. Et avec les dominos qui sont projetés sur la maison de poupée et qui reproduisent les pierres qui détruisent Rose Red au final, quoi. C'est moi, je pensais au début que les dominos, elles lui serviraient à rappeler le livreur de pizza. C'était des dominos pizza. Oh là là. Oh là là là, au secours. Voilà. Et on n'est même pas sponsorisé pour faire ça. Ah oui, c'est ça qui est triste finalement. Ouais, c'est ça. Donc la maison est très endommagée par une chute de rocher, et après on a une nouvelle scène 6 mois plus tard environ, où les survivants se réunissent pour rendre hommage à ceux qui sont morts juste avant vraiment la destruction de la maison. Oui. Et donc cette dernière scène, elle est plutôt jolie, on a l'impression qu'ils vont tous mieux, qu'ils ont tous réussi à se remettre, donc c'est clairement une fin heureuse. Même Emery, hein, une espèce de petite rédemption dans ce passage-là. Oui, voilà, c'est ça. Le visage dans la rose, c'est cliché, mais je trouve qu'il marche pas trop mal, oui, pour le coup. Oui, ça va. Mais oui, c'est full cliché. Oui. Et ça se finit avec les fantômes de Rose Red qui chantonnent, qui est pareil, une assez jolie fin, pour le c'est coup. Ça. Donc voilà, au global, je trouve que ça se termine suffisamment bien pour pardonner les clairs défauts qu'il y a au fur et à mesure. Oui, parce que clairement, il y en a. Ouais, c'est ça. Mais ça se tient globalement bien. Ouais, voilà, j'ai eu une certaine affection pour l'ensemble. Mmh. C'est pas quelque chose que je vais trop descendre. Non, voilà, clairement pas. Le souci principal, finalement, étant le format, quoi, la longueur. Ouais, il aurait peut-être fallu deux épisodes, peut-être un tout petit peu plus long, peut-être d'1h40 chacun, du coup. Bah, c'est ça. Mais n'en faire que deux. Est-ce qu'on trouve une petite scène à traiter ? On peut. Bon, allons-y. Au nom de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton corps. Ouvrez vos maisons closes à celle qui descend du ciel. Très bien, la scène que nous avons choisie se trouve dans le deuxième épisode. Si vous êtes sur la version de 4 heures, on est vers le milieu. Du téléfilm. C'est ça, un tout petit peu plus du milieu. Nous prenons une scène entre Steve Rimbauer, Annie et ensuite sa grande sœur, qui est appelée Sissy en fait pendant tout le téléfilm, même si son véritable nom c'est Rachel. Oui. En fait, Steve essaie d'entrer en communication avec Annie, d'interagir vraiment avec elle, qui est en train de jouer avec ses dominos dans la serre, et ça se passe plutôt pas mal. Il arrive bien à se rapprocher d'elle, et la grande sœur va expliquer un peu tous les problèmes qu'il y a avec une fille qui a de tels pouvoirs et qui peut s'énerver aussi facilement. Donc, on vous passe la scène. Salut, Annie. Salut, Annie. Salut, Annie. Salut, Annie. Salut, salut. Steve. Salut, Steve. Salut, Steve. Ouais. Elle peut aussi plier les petites cuillères, jouer avec l'électricité et déclencher les alarmes. Hein? J'ai deux bébés. Oui, oui. Et ce sont de très jolis bébés. Lui, c'est Adam. Elle, c'est April. Elle ne discute jamais avec les étrangers. Je suis impressionnée. Je suis même sidérée. Mais moi aussi. Jusque-là, je n'avais jamais entendu des fleurs jouer du Glenn Miller. Votre prénom, c'est Rachel, c'est bien ça? Oui, mais la plupart des gens m'appellent Annie Sœur ou Cici, ce qui est la version courte. Je préfère Rachel. Et si vous me parliez d'Annie? Elle a 15 ans, elle est autiste, elle adore Glenn Miller et les big bands. Elle est aussi très douée pour la télépathie et la télékinésie. Ce qui en fait me paraît être le moins important chez elle. J'ai quelque chose à vous montrer. D'accord. Hier, absolument tout était mort dans cette partie de la serre. C'est la maison qui revient à la vie et je crois qu'on le ressent tous. Peut-être. Mais ce n'est pas la maison qui a fait ça. C'est Annie. C'est une autre facette de ce qu'elle est. Elle n'est pas seulement de l'eau qui jaillit et qui gèle ou des pierres qui tombent de nulle part. Quand je la regarde, je ne vois pas un être lugubre. Moi, je vois. Je vois des roses. Voilà, donc une scène assez réussie. Encore une fois, on a pris celle-là parce que c'est le personnage le plus intéressant du film, je trouve. Oui, clairement. Et celui dans l'évolution est peut-être le mieux traité, même si, comme on l'a dit, son retournement à la fin est trop brutal. Oui. Et c'est aussi une scène visuellement sympa, parce que c'est une scène où on voit la serre de manière un peu apaisée, parce que... Les seules fois où on les a vus avant, bah, c'est quand le journaliste y passe. Et c'est ça. Et c'était effectivement pas très apaisé. Voilà, et il me semble qu'on la revoit un peu après, parce que les personnages, quand ils font leur exploration la première fois, ils passent dedans, mais on la voit vraiment de manière succincte, quoi. Là, c'est vraiment la première fois où on est posé au calme à l'intérieur. Qu'on peut vraiment profiter du décor très joli. Ouais. Puis oui, vu, c'est une scène très clairement posée, vu que... justement, Annie est au calme et tranquille dans cette scène-là. Oui. Elle installe ses fameux dominos. Oui. Elle joue un peu avec aussi, hein. Elle en fait voler un au-dessus de sa main, elle utilise ses pouvoirs pour jouer avec. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi où on voit que la maison reprend vie, on voit la végétation qui revient. Ouais, pour le coup, je trouve qu'elle s'en sort bien, l'actrice qui joue Annie. Oui. Avec ses deux poupées qui... Oui. Est-ce que ça serait pas un clin d'œil à la poupée Annabelle? Je ne serais pas loin de dire oui. Qui ont les noms des deux enfants d'Hélène Rainbower, dans mon souvenir, les poupées. Oui, exact. Et puis, ouais, en réalité, la grande sœur montre que, en effet, c'est Annie, elle représente un danger réel. C'est là aussi qu'il y a le flashback avec un effet spécial, pas réussi, mais qui est sinon plutôt intéressant, où elle gèle l'eau des canalisations. Oui, effectivement, l'effet est poule dégueulasse. Ouais, mais bon, déjà, c'est des effets spéciaux de l'époque, et encore aujourd'hui, l'eau, ça fait partie des trucs très difficiles à gérer en effet spécial. Je peux le pardonner. On a un flashback aussi qui revient sur l'accident avec le chien, la plume de pierre et tout. Ouais, voilà. Mais du coup, oui, c'est intéressant. C'est un personnage limite qui aurait mérité d'apparaître dans un roman en étant plus mis en avant, en étant plus personnage principal, parce que le dilemme qu'elle présente, le rapport entre... ses pouvoirs et la manière qu'elle a de les gérer qui est compliquée, en réalité, c'est un sujet super intéressant. Mmh. Ah oui, clairement. C'était déjà plus ou moins un sujet de Charlie, d'ailleurs, mais Charlie était une petite fille qui n'avait aucun handicap et qui... Il y avait déjà ce thème-là, quand même, de comment est-ce qu'elle gérait sa colère et sa pyrokinésie. Là, ça aurait pu être quelque chose de similaire en encore plus intéressant. Oui, voilà. Et qui, en réalité, est un thème dans Les Régulateurs, un peu. Qui est un thème régulier chez King, même. Oui, il a toujours bien aimé traiter du rapport au pouvoir, notamment chez des personnes enfantines qui ont techniquement beaucoup plus de mal à les gérer, assez logique. Oui, voilà. Et du coup, il y a toujours cette dualité aussi, qui, c'est toujours des enfants à pouvoir, mais qui se retrouvent en fait face à des menaces qui, elles aussi, ont des pouvoirs, mais des pouvoirs rationnels. Tu vois, genre les forces de l'ordre ou la parentalité, qui, eux, ont des pouvoirs terre à terre face à, du coup, ces personnages plus enfantins qui ont des pouvoirs, eux, paranormaux. Ouais, ils sont pas même palpables. Si là, il y a la maison, qui a les pouvoirs paranormaux, mais elle est aussi menacée par des trucs beaucoup plus terre à terre, effectivement. C'est ça. Que, ce que j'aime bien, moi, avec, avec Rose Red, du coup, pour revenir à la maison en elle-même, et je trouve que c'est dommage parce que c'est pas traité à 100%, c'est qu'en fait, oui, c'est une maison hantée, mais c'est une maison hantée qui agit de manière très vampirique, en fait, avec les gens qu'elle décide de posséder, en leur volant leur essence vitale et, du coup, en elle revivant. T'as vraiment un côté très Nosferatu. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, c'est pas ce qui est le plus exploité au final. Alors que ça aurait pu apporter vraiment quelque chose de très sympa. Je pense que c'est un thème en réalité qui aurait mérité un roman parce que. Ouais, il y a plein de trucs qui auraient pu être plus creusés. Oui, et puis pas forcément. Ouais, là. Après, en même temps, il y avait le temps, techniquement. Hein, 3 fois 1h30, il y aurait eu largement le temps. C'est peut-être juste une histoire d'écriture qui aurait pu être un peu plus serrée. D'écriture et de et forcément de l'imitation technique de l'époque, parce que bah, ça reste quand même filmé. C'est pas pareil que de l'imagination pure écrite, sous forme fictionnelle. Ouais, mais bon, ça, à la limite, c'est aussi une histoire de manière de filmer, parce qu'il y a des films de maisons hantées ou des films d'horreur qui sont antérieurs à ça et qui marchent très bien. Oui, mais alors du coup, faut pas se tourner vers la série télé, et d'autant plus sur un... sur une chaîne grand public comme ABC, quoi. Oui. Quoique, encore une fois, les thèmes autour de la possession et du rapport au pouvoir, ça, je pense pas que ça aurait eu des problèmes avec la censure d'ABC. Oui, ça, c'est pas faux. C'est d'autres... on peut pas l'imputer à ça, oui, je pense. Moi, je pense que c'est tout ce que j'ai à en dire. Moi aussi, je pense qu'on a, bien fait le tour en ce qui concerne Rose Red. Bah alors, on va classer ça. Eh bien, go. Très bien, nous allons donc classer Rose Red. Il n'y a pas de livre évidemment, donc on passe directement au classement des films et œuvres visuelles. Yes. Nous avons pour l'instant 75 œuvres classées, avec aux 5 premières places Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anouak Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick, et aux 5 dernières... Les Enfants de Salem de Larry Cohen, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan et Room 238 de Rodney Asher. Cette grosse merde complotiste. Voilà, c'est ça. Et donc, Rose Red... déjà, on va quand même pas mal remonter. Pour moi, c'est mieux que La Tempête du Siècle. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord déjà au moins avec ça. En fait, je me posais la question par rapport à Helen Rimbauer. Je sais pas si je préférerais revoir Rose Red ou Helen Rimbauer, mais Helen, c'est juste en dessous de La Tempête du Siècle. Ils sont au même niveau, ouais. Que Helen Rimbauer avait pour lui que ça ne durait qu'une heure et demie. Et que du coup, c'était bien tenu. C'est pas faux. C'est mais il y a quelques thèmes un peu plus intéressants dans Rose Red, je trouve. Mm. Parce que même par rapport au cimetière de Widmayer et Kolsch, je pense que je préférerais revoir Rose Red, moi. Ouais. Le carré de Kimberly Pierce a son casting pour lui. Il mettrait entre le carré et le cimetière ? Je pense, ouais. Enfin, après, si toi ça t'embête, dis-le. Hein. Non, moi ça me va. D'accord, donc ça lui ferait la... 30e place, la nouvelle 30e place, nouvelle 30e. Entre Carrie de Kimberly Pierce et Cimetière de Dennis Widmeyer et Kevin Kolsch. Mm. Voilà, donc du relatif milieu de classement, bah, comme la plupart des productions Baxley, à l'exception de Kingdom Hospital, qui est pas mal plus haut, qui est 9e de notre classement. Il fait toujours top 10, hein, Kingdom Hospital, il tient vraiment bien. Ouais, mais qui était vraiment bien maîtrisé aussi. Mm. Donc, on reste dans des places où c'est agréable à voir, malgré des défauts évidents, nets et indéniables. Voilà. C'est des trucs auxquels vous pouvez jeter un œil par curiosité pour passer un moment sympathique. Oui, clairement. Rose Red, et puis vous pouvez enchaîner après avec le journal d'Hélène Rimbauer, c'était très bien aussi. Enfin, c'est sympa aussi. Ouais, voilà. Et c'est beaucoup plus court. Oui. Un bon petit complément, en fait. C'est ça, ouais. C'était bien une bonne idée, le journal. Très bien, nous, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de Cimetière 2 de Marie Lambert. Yep. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. @cinémaarchiviste sur Twitter et Blue Sky pour toi. @Chris Lostale sur Twitter et Blue Sky également pour moi. Ouais. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de Twitch. C'est vrai. J'y passais pas souvent, j'oubliais. Mais vous pouvez nous y retrouver. Les liens de nos chaînes, je les mettrai dans la description, où ils y sont peut-être déjà. Voilà. J'ai essayé de relancer ma chaîne YouTube. Je profite quand même de faire mon autopromo. Donc, où je parle surtout de cinéma asiatique, en mettant des critiques. Il y aura peut-être des trucs d'actu, mais aussi des films que j'aime au fur et à mesure. Je pense parler pas mal des Godzilla, par exemple. J'ai un peu envie. Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer vous abonner. À vous abonner au Discord aussi. Exactement. Donc ça fait beaucoup de choses. Effectivement, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Mais tout est dans la description pour y penser. Voilà. Et en attendant, à bientôt. Et n'oubliez pas... que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7. 24 heures sur 24. Je calerai au montage. Salut. Au revoir.